police. On tue, on viole et on torture. Dans les prisons chez les Frenchies, t'es pas un homme, t'es une ordure. On te fait croire à la morale, toujours plus loin, toujours plus con. Tu vas crever dans ta centrale, entre les murs et les matons. T'entends au loin la Marseillaise pour un quelconque président. Assis le cul entre deux chaises, c'est la grand-messe du grand Satan. Dans ton pays à Sarkolande, y'a pas de pitié pour la misère. Avec les flics et les amendes, à coups de matraque et de revolver. Toi tu préfères le drapeau noir et les poèmes saturniens, pour mieux gerber ton désespoir sur les fachos, les miliciens. Sous les caméras de surveillance, on encourage la délation. On réécrit l'histoire de France, famille, patrie, ségrégation. À Sarkolande, il fait pas bon être bronzé, à moins bien sûr que tu te pendes pour libérer la société. Quand la télé-réalité lobotomise tous les connards, la star se shoot au LSD au milieu de tous ces ringards. La dictature c'est contagieux, comme dans le passé, la liberté. La France est un pays de gueux et de ministres assermentés. Tu peux prévenir tes CRS, toute la police et ton armée. Je n'ai pas d'armes que ma tristesse et une putain d'envie de gerber. Et une putain d'envie de gerber. Et une putain d'envie de gerber.